un petit morceau de terre caché dans l'océan Indien qui s'offre à vous comme une perle sertie dans un précieux écrin. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel, la lumière d'un été sans fin, des chants d'oiseaux dès le réveil, des étoiles du soir au matin. C'est le sourire de tout un peuple, une douce simplicité qui vous réchauffe, qui vous accueille dans un élan toujours discret. C'est la pirogue qui avance là où le temps s'est arrêté. Vogue, vogue sur le lagon, et la barcarolle des vagues chante ma chanson. Jardin sur la mer où scintille un sable d'argent, un lagon cristallin bleu vert et un soleil doré brûlant, un métissage de l'univers, un carrefour des grands continents, l'Asie et la vieille Angleterre, la France et l'Afrique en même temps. Ils sont nombreux les voyageurs pour quelques jours, quelques années, à venir goûter la douceur d'une varangue un soir d'été, et à se demander comment faire pour y rester plus longtemps. Vole, vole au-dessus du coin de mille, tous les païens que du ciel chantent en souvenir.